c'est tellement beau, papy. Tu me l'avais jamais chantée avant, celle-là. Je l'ai seulement apprise aujourd'hui. Est-ce que je pourrais l'apprendre, moi aussi? Ouais. Un jour, tu l'apprendras. C'est promis. Tout de suite. Non, ma belle. Une autre fois. Oh. Bon, allons-y. Papy, le grand-père de Miguel est parti en voyage, lui aussi. Est-ce que Lunaël va t'emmener le voir? Ouais. Je vais retrouver Germain. J'ai hâte de le revoir. Il lui dit que j'ai rencontré Miguel. Je te souhaite, Marine, de devenir amie avec Miguel comme j'ai été amie avec son grand-père. Il n'y a rien de plus beau que l'amitié. Au revoir, ma belle. Je t'aime. Bon voyage, papy. Amuse-toi bien. Je t'aime, moi aussi. Madame Lunaël? Oui? Est-ce que je pourrais y aller, moi aussi, un jour sur votre bateau? Oui, Marine. Mais pas aujourd'hui. T'as bien des choses à faire ici avant. Je me demande ce qu'elle a voulu dire par « bien des choses à faire ici avant ». Je sais pas, mais je te l'avais bien dit. Il se passe toujours quelque chose d'important quand Lunaël vient nous voir. Ça va aller? Je pense que oui. Je suis un petit peu triste que papy s'en aille, parce que je vais rester toute seule. Mais il a rêvé tellement souvent ce voyage-là. Je suis contente pour lui. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai trouvé ça difficile quand mon grand-père est parti. Je l'aimais beaucoup. Il m'a appris à pêcher, à connaître les arbres, les plantes, les oiseaux. Est-ce qu'il te manque? Ouais, un peu. Mais le plus dur, c'était au début. Après, je me suis rendu compte que je pensais souvent à lui. Quand j'allais à la chasse ou à la pêche, j'entends encore sa voix dans ma tête me répéter des conseils puis des encouragements. C'est comme s'il était encore avec moi chaque fois que j'ai besoin de lui. Crois-tu que papy va être avec moi? Ça me fait peur de rester toute seule. Je suis sûre que oui. Puis t'es pas toute seule. Je suis là, moi. Oui, merci, Miguel. Mais papy, il m'aimait puis il me protégeait. Il me semble qu'il avait encore plein de choses à me montrer. Moi aussi, je te protégerai. Puis si tu veux, je te montrerai tout ce que mon grand-père m'a appris. Pour vrai? Oui. Puis toi, tu me raconteras des histoires de la grande terre. C'est drôle, hein? Un matin, j'étais triste de devoir partir et de me séparer de papy. Puis finalement, c'est lui qui s'en va. Parti? Où ça? En ville. Mes parents ont décidé qu'on s'en va vivre là-bas. Ça peut te faire plaisir? Non, je veux pas partir. J'aime pas ça, la ville. Je voudrais continuer à vivre ici pour pêcher, me baigner puis rester près de la mer. Moi, j'ai jamais vu la ville. Il paraît que c'est grand comme 100 villages, même plus. Ça doit être excitant. C'est vrai, mais c'est plein de monde et de rues qu'on connaît pas. Il y a du bruit partout puis il faut tout à faire attention. Faire attention à quoi? À plein de choses, aux autos, aux gens qui sont pressés, aux autobus, aux crottes de chiens. Mais il doit bien aussi avoir des choses plaisantes. Oui, c'est vrai, Yona. Tu sais, c'est pas parce que j'aime pas la ville. C'est que je veux pas rester là. Des fois, c'est le fun, même pas pour y habiter. Ouais, je comprends. J'aimerais ça un jour aller voir la ville, voyager. Mais je crois pas que je voudrais vivre ailleurs qu'ici. Est-ce que vous êtes obligé de rester ici? Bien sûr que non. On n'est pas prisonniers. Yona, des fois, qui s'en vont pour voir le monde. Mais si on part... On doit prêter serment de jamais révéler notre secret. Est-ce qu'il y en a qui reviennent? Presque toujours. Ils arrivent avec des histoires extraordinaires. C'est ça qui donne envie de partir aux autres. Mais ils finissent par revenir parce que c'est chez nous ici, puis on est bien. Ouais. C'est vrai qu'on est bien ici. T'aimerais pas ça rester un petit peu sur l'île avec moi? Sûr que j'aimerais ça. Mais c'est pas possible. Ben oui, c'est possible. T'as rien qu'à pas rentrer chez vous. Mais j'ai pas le droit d'être ici. Puis mes parents, ils vont s'inquiéter. Droit ou pas, de toute façon, t'es déjà ici. Puis au village, on n'a jamais mangé personne. Ils te demanderont de prêter serment. Peux-tu garder un secret? Bien sûr. Mais mes parents... Ils vont s'inquiéter un peu. Mais Lunaël a dit qu'elle s'occupait de ça. Et puis ça sera juste pour quelques jours. Comme ça, t'auras le temps de réfléchir... Et de trouver des raisons pour les convaincre de ne pas partir en ville. On sait jamais. Vous pourriez peut-être déménager ici? Oui, bonne idée. On va se faire un plan. Puis j'aimerais savoir ton village. Bon, tu vois, comme ça c'est réglé. Pourquoi tu fais tout ça pour moi, Miguel? Ben, c'est ça être ami. On a ami, non? Oui. Mon grand-père m'a appris une chanson sur les amis. Moi aussi, papy m'en a appris une. Je gâche que c'est la même. Ah ouais, chante-la.